Du lundi au vendredi à 14h, c'est Culture Science. Aujourd'hui, la marche des sciences. Aurélie Luneau. C'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire. Eh bien, faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux. J'ai toujours rêvé de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. Bonjour à tous et bienvenue dans la marche des sciences. Ce que les cartes de Cassini disent de la France d'aujourd'hui, c'est cette question que se sont posées pendant des années des chercheurs fascinés par la beauté de ces documents du XVIIIe siècle et par les informations qu'elles recèlent, des archives qui les accaparent encore et que l'on doit à un homme, César François Cassini de Thurie, troisième du nom, issu de la fameuse lignée des Cassini dont nous allons vous révéler le rôle joué dans cette France des savants. César François Cassini, le premier à cartographier le territoire français sur demande royale. En travaillant sur les fameuses cartes de Cassini, ces chercheurs de l'École des hautes études en sciences sociales ont montré leur richesse et étudié, grâce à elles, le jeu croisé de la pression démographique et de la géographie physique et humaine sur l'évolution des territoires administratifs au cours des 250 dernières années. Ce sont de véritables documents pour l'histoire qui intéressent non seulement les archéologues, les géographes, les archivistes, les généalogistes, mais aussi les acteurs de la vie administrative et territoriale qui peuvent y dénicher des données irremplaçables sur l'évolution du paysage jusqu'à aujourd'hui. Ils nous sont désormais offerts sous la forme de ressources numériques via le site cassini.ehuss.fr. Et c'est donc l'histoire de ces cartes et de leurs révélations que nous allons vous raconter aujourd'hui dans la marche des sciences sur France Culture avec nos trois invités présents en plateau. Claude Motte, ingénieur de recherche au CNRS, au Centre de recherche historique de l'EHESS, donc l'École des hautes études en sciences sociales, au laboratoire de démographie et d'histoire sociale. À ses côtés, Marie-Christine Vouloir, également ingénieur de recherche à l'EHESS, et Julien Perret, chargé de recherche au ministère de l'écologie au laboratoire COGIT de l'IGN. Cette première partie d'émission, vous en avez l'habitude, sera émaillée d'archives sonores de l'INA, trouvée par Anaï Morales avec Gwen Michel. Et puis en seconde partie, vers 14h45, place à notre actualité de l'histoire des sciences, et c'est la bande dessinée intitulée « Le cas Alan Turing », tout juste parue aux éditions des Arènes, qui a retenu notre attention. Dans 45 minutes donc, l'écrivain et scénariste Arnaud Delalande nous fera partager les secrets de fabrication d'une telle œuvre avec les dessins de son complice Éric Liberge, une façon originale de scruter ce personnage héroïque, mathématicien de génie et homme tourmenté, Alan Turing, découvreur des codes de la machine Enigma pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais tout de suite, le secret des cartes de Cassini. Cassini III, Cassini Turing, le petit-fils de celui qui avait contribué à mettre sur pied la carte française, eut l'idée, comme ingénieur militaire en Flandre, fit dresser pour la campagne du roi de 1744 et des années suivantes, une carte avec une triangulation représentant au 86 400e tous les Pays-Bas. Et quand le roi vit quelques-unes des feuilles de cette carte, il dit « Que neige mon royaume en si belle tournure ?» À quoi Cassini répondit « Sire, il ne dépend que de vous, vous n'avez qu'à donner des ordres. »« Soit, répondit Louis XV, j'entends que mon royaume soit ainsi fait. » Et sur cette parole, Cassini mit en œuvre la fameuse carte dite de Cassini. Bonjour Claude Motte. Bonjour. Bonjour Marie-Christine Vouloir. Bonjour. Et bonjour Julien Perret. Vous êtes tous les trois réunis au sujet de ces cartes de Cassini. On vient d'entendre un extrait de l'émission Sciences et Techniques consacrée au tricentenaire de la cartographie française. C'était le 4 novembre 1968. Et celui qui s'exprimait, c'était le père François II d'Inville, géographe. Alors ces cartes de Cassini, vous voyez, on en parle depuis longtemps sur les antennes. Est-ce que c'est vraiment la plus ancienne des cartes de France, Claude Motte? C'est la plus ancienne dans la mesure où elle s'attache à décrire et à représenter l'ensemble du royaume de France de l'époque. selon une représentation qui, a priori, devait être harmonieuse et cohérente. Alors, harmonieuse, elle l'est. Cohérente, nous verrons que, selon les régions et selon l'histoire de cette aventure extraordinaire, cette cohérence peut être un peu mise à mal de temps en temps. Alors, 1749-1790, hein, c'est ce qui borne à peu près, en tout cas 50 ans, c'est ce nombre d'années nécessaires pour établir cette carte de la France. Finalement, on dit les cartes, parce qu'il y en a combien, Marie-Christine Vouloir ? En fait, il n'y a qu'une seule carte. Oui. On dit les cartes parce que pour réaliser ce travail, il a fallu 181 feuilles. Donc ça vous donne déjà une idée de l'importance de ce travail. Chaque feuille mesurant, pour vous donner une idée, de 60 cm sur 95. À une échelle, sans doute, on en reparlera tout à l'heure parce que c'était important, puisque justement ce qui a séduit Louis XV, c'était l'échelle aux 86 400. Et c'est ce qui a permis justement cette échelle qui n'était pas exceptionnelle à l'époque, mais qui était utilisée uniquement pour des cartes régionales. Donc là, il s'agissait de faire l'ensemble du royaume. Alors je pense qu'il faut peut-être préciser ce qu'était le royaume de Louis XV à l'époque. Oui. Il n'y avait pas le comté de Nice ni le royaume de Savoie. Par contre, si vous regardez la carte sur le nord et sur l'est de la France, il y a des débordements frontaliers un petit peu sur la Belgique, un peu sur beaucoup sur le Luxembourg, sur l'Allemagne, un tout petit peu en Suisse, puisqu'on voit la ville de Genève et le lac Léman. Et il y a un oubli certain qui est l'Île-Dieu. Par contre, la Corse, qui était déjà française, hein, oui, faut le préciser, vraisemblablement, ça doit être des problèmes financiers qui ont fait que Cassini n'a pas envoyé d'ingénieurs faire de levée dans cette île. Alors Claude Motte, à quoi elle ressemble ? Parce que c'est vrai que dans les articles que vous avez écrits l'une et l'autre, vous parlez de la beauté de cette carte, de sa finesse, de même des couleurs. Hein, elle a été aquarellée, je crois. Oui. Alors il y a effectivement deux jeux de cartes. Il y a le jeu de cartes noir et blanc, 681 feuilles, sont en noir et blanc et le territoire sur chacune de ces feuilles est représenté en continu. Alors qu'il y a eu plusieurs jeux de cartes aquarellées, c'est-à-dire mises en couleur, mais ça se faisait beaucoup à l'époque parce que l'aquarelle était très finement représentée. Mais l'originalité de cette carte a été qu'elle a été, une fois aquarellée, chacune de ces 81 feuilles ont été découpées en 21 petits rectangles et ensuite collé sur une toile de jute de façon à pouvoir replier la carte. Et nous avons vu dans le bureau de Monique Pelletier, qui à l'époque était la directrice du service département cartes et plans de la Bibliothèque nationale. Oui, parce que la carte est conservée là-bas, il faut le préciser. Voilà, enfin un jeu complet est conservé, parce qu'il y en a sans doute d'autres dans le monde, mais même Monique Pelletier ne nous a pas donné le chiffre précis du nombre de cartes aquarellées qui ont été faites. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que la légende dit que Marie-Antoinette, lorsqu'elle a vu ces cartes, a voulu, un, qu'elles soient mises en couleur, parce que c'était beaucoup plus joli, et deuxièmement, qu'elles soient repliées, parce qu'elle voulait pouvoir les transporter dans son carrosse quand elle traversait le royaume, pour ne pas être complètement ignorante de son terrain. Et Monique Pelletier nous a montré cette caisse qui était en cuir rehaussé d'or. Et à l'intérieur, il y avait 180 petits cartons dans lesquels il y avait ces cartes Cassini qui étaient repliées. Elle-même travaillait à leur fin. C'est absolument magnifique. Et alors ça veut dire, Claude Motte, que dans le monde, peut-être que ces cartes existent quelque part ou chez des particuliers, c'est possible ? Ah oui. On en connaît au moins une version complète aquarellée à la bibliothèque du Congrès américain. Oui, les couleurs sont différentes. D'accord. Alors, ce César François Cassini de Thury, hein, dont j'ai parlé au début de l'émission, et pour cause, puisque c'est lui qui donc entreprend ce vaste chantier, sur demande officielle de Louis XV, donc c'est la demande émane de Louis XV en 1747, c'est un Cassini de la famille Cassini, c'est une lignée, il faut le préciser quand même. C'est le troisième des Cassini, on l'appelle d'ailleurs souvent Cassini III. Le premier, Jean-Dominique, qui avait été appelé par Colbert au moment de la création de l'Observatoire de Paris, qui s'était fait un nom en Italie, notamment sur ses recherches sur la découverte des satellites de Jupiter, et qui finalement a demandé la nationalité française, s'est marié avec une Française, a acheté un terrain dans le nord de Paris, à Thury. On dirait maintenant qu'il a fait souche, c'est-à-dire qu'il a eu un certain nombre d'enfants. Un de ses enfants, Jacques, a suivi les traces de son père, a travaillé sur les calculs de la perpendiculaire de la méridienne de Paris. Et son fils, donc le fameux César François, a continué l'œuvre de son père. Et c'est celui qui nous intéresse puisqu'il a fait cet ensemble de cartes qu'on appelle la carte de l'Académie. Et carte générale et particulière. En général, on a vu pourquoi, puisque c'est l'ensemble de la France. Et particulière, on y reviendra tout à l'heure parce que je pense que nous allons détailler la topologie bien sûr, de la carte. Y trouve. Et tout de suite, justement, j'en profite pour donner une citation de César François Cassini. Voici ce qu'il pouvait écrire à ce moment-là. « On y trouvera tous les objets nécessaires pour acquérir la connaissance d'un pays. Ville, bourg, paroisse, château, maisons de campagne, fermes et métairies, moulins à eau et à vent, ponts et bacs, cours des rivières, des ruisseaux, étangs considérables, grands chemins, chemins de traverse, le contour des bois, leurs noms, les routes qui les traversent, enfin une figure exacte du terrain. » Donc ça c'était l'ambition Claude Motte, mais on se pose bien sûr la question, l'ambition donc de Cassini, de répondre à cette demande de réalisation de la première grande enquête toponymique nationale. Mais pourquoi est-ce que Louis XV fait cette demande-là? Quels sont les intérêts finalement? En principe, la cartographie a comme objectif premier de représenter un territoire en vue d'une défense ou d'une attaque militaire. Il se trouve que c'était une époque aussi où la France, la société française, développait un petit peu son commerce et où les relations entre les villes, les bourgs, devenaient nécessaires. Il y avait des travaux sur l'aménagement des routes, sur l'aménagement des canaux. Et donc l'objectif premier militaire s'est effacé devant l'objectif d'une représentation plus économique du territoire. Et administrative ou pas encore? Parce que, d'accord, on n'en est pas encore à l'époque des recensements, en tout cas. Si, il y a des dénombrements à l'époque. Mais la difficulté des sources du XVIIIe siècle en ce qui concerne la démographie est double. La première, c'est que ces dénombrements étaient rarement lancés sur l'ensemble du territoire. C'était soit un évêque qui voulait connaître la population des communiants de son évêché. Soit c'était un intendant ou un subdélégué qui avait besoin de connaître le nombre des sages-femmes de son ressort. Donc ce sont des dénombrements qui sont assez souvent localisés et qui sont donc à des années différentes. Et deuxième difficulté, c'est que beaucoup de ces dénombrements sont faits en nombre de feux et non pas en nombre d'habitants. Et tout le travail des historiens démographes a été d'essayer d'estimer la valeur du feu. Lorsqu'on dit qu'un village comporte 50 feux, qu'est-ce que ça représente? Alors il y a des ratios qui ont été calculés. En moyenne, on sait que le feu du XVIIIe siècle représente à peu près 5 habitants. Mais cela dépend beaucoup de la date. Sur d'autres sources, ce sont des feux bélugues. Ce sont des feux fiscaux qui n'ont pas de relation avec la population, mais avec la richesse du territoire, des terres. Donc, les sources démographiques de l'Ancien Régime sont très difficiles à interpréter et à harmoniser sur l'ensemble du territoire. On peut faire des études locales, mais... Alors Marie-Christine Vouloir, comment est-ce que César François Cassini va procéder? Parce que c'est un travail énorme, il y a forcément une méthode, des ingénieurs, des techniques utilisées, comment il opère? C'était vraiment, il faut le souligner, un travail énorme, surtout quand on se replace à l'époque, la deuxième moitié du 18e, les difficultés de transport et puis la technologie de l'époque. Bon, donc les ingénieurs qui ont été recrutés, il y en a eu dans la pleine époque des levées, il y avait plus d'une vingtaine d'ingénieurs. Il fallait d'abord les former. La seule exigence qu'avait Cassini, c'était que les ingénieurs devaient au moins avoir de bonnes bases en géométrie. Mais ils étaient formés sur place. Et les ingénieurs partaient avec une feuille de route. C'est-à-dire qu'ils partaient en général pour 6 mois et travaillaient par quart de feuille. Et donc, ces ingénieurs devaient faire les mesures, d'une part, et interroger, en général, il s'agissait soit du curé de la paroisse, soit du seigneur. Pourquoi eux? Parce que c'est eux qui avaient les clés pour monter dans les clochers, dans les donjons, dans les points suffisamment élevés pour qu'ils puissent faire leur travail et faire leurs mesures. Et oui, parce qu'il faut préciser que c'est une carte levée grâce à la triangulation, géodésique. Voilà, c'est ça. Tel qu'on l'a fait maintenant. Bon, évidemment, avec d'autres moyens, mais le principe est déjà mis en place. Et ces ingénieurs avaient des consignes vraiment très strictes au niveau des mesures, de la vérification, il faut vérifier 1000 fois les mesures qu'ils ont prises, et également au niveau de la toponymie, c'est-à-dire que les curés doivent nommer tout ce qui se voit en haut du clocher, c'est-à-dire les fermes, les châteaux, les ponts, etc. Tout est inventorié. C'est vraiment une richesse première que la toponymie que l'on rencontre sur la feuille de Cassini. Et il y a des feuilles où il y a une densité toponymique, bon, peut-être pas dans les feuilles, les plaines du Nord où c'est un habitat groupé, mais sur certaines feuilles, comme je pense à la feuille de Bordeaux, à la feuille d'Angers, qui est un habitat plus dispersé, il y a la toponymie est vraiment touche-touche, je dirais. Hein? Donc ces ingénieurs faisaient déjà un premier travail sur place, dessinaient et remplissaient d'une part un cahier avec les mesures et d'un autre cahier avec la toponymie. Et la vérification était aussi faite à Paris avant d'être validée pour l'édition. Alors, Julien Perret, on parle de ces cartes-là. Vous faites tout ce travail aussi pour mettre en place la science de l'information donc géographique en histoire et inversement. Cette carte de Cassini par rapport aux cartes d'aujourd'hui, vous avez cherché, j'imagine, à établir une sorte de parallèle et voir où les évolutions ou la précision, juste sur ce travail mené. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, un technicien, un ingénieur, un spécialiste comme vous, dit de ces méthodes du 18e quand même, d'il y a 250 ans ? Bon, je ne suis pas un spécialiste des techniques de relevé topographique. Hein. Donc, non, là-dessus, il y a effectivement clairement un continuum, parce que les cartes de Cassini, bon, déjà, c'est effectivement là qu'ont été mis en place les principes de la géodésie, de la triangulation, donc toutes les techniques cartographiques, qui ont été reprises ensuite par les cartes d'état-major au 19e, qui ont mené aux cartes IGN. Enfin, donc là, il y a un continuum dans les techniques, d'ailleurs dans les noms des cartes, dans les cartes d'état-major qui sont en fait construites vraiment dans les planches des cartes d'état-major qui sont construites à partir des cartes de Cassini. Donc il y a clairement un continuum, à la fois dans les techniques. Une partie des points géodésiques aujourd'hui sont encore des points qui ont été définis au moment de Cassini, notamment l'observatoire qui est encore utilisé. Maintenant, l'endroit où moi je participe là-dedans. Et où vous intervenez concrètement. Où j'interviens concrètement. C'est plus donc sur la mise en place finalement d'outils pour permettre la spécification et la saisie collaborative de ces données. Parce qu'en fait, finalement, c'est comme ça que notre collaboration ici est née. C'est qu'avec Maurizio Gribaudi, Marc Barthélémy et Bertrand Dumenieux, on s'était dit, qu'est-ce qu'il faudrait pour pouvoir avoir ces données-là de façon donc vectorielle, en gros, en base de données, pour pouvoir les exploiter, pour que les chercheurs ou monsieur tout le monde puissent exploiter ces données, les requêter et éventuellement les recartographier. Donc on a mis en place une première plateforme collaborative avec une base de données, donc ça. Et ensuite on a essayé de discuter entre nous, on a créé ce petit groupe-là qu'on appelle Geohistorical Data, où il y a une vingtaine de chercheurs qui viennent un peu partout, qui sont intéressés par la saisie et la mise en place de ces données-là. Et on a commencé à regarder comment est-ce qu'on allait faire ce travail-là, comment est-ce qu'on allait négocier, parce que finalement, en fait, on se rend compte que c'est une négociation. La mise en place des spécifications, c'est-à-dire de vraiment décider qu'est-ce qu'on saisit et comment. Donc là, c'était déjà très intéressant d'un point de vue humain, mais aussi méthodologique, parce qu'en fait, on s'est très vite rendu compte que les spécificités de la carte de Cassini, qui sont à la fois locales, mais parfois aussi globales, remettent complètement en question la façon dont on a l'habitude de faire de l'information géographique. Donc nous, par exemple, aujourd'hui, si vous regardez dans les grands producteurs, donc ce qu'on appelle les NMA, donc les agences cartographiques nationales, on a des gens qui vont mettre en place des spécifications de contenu, des spécifications de saisie, c'est-à-dire des choses très très précises qui expliquent comment est-ce qu'on saisit l'information géographique de façon très exacte. Et qu'est-ce qu'on saisit ? Parce que peut-être que d'ailleurs, de l'époque de Cassini à aujourd'hui, il y a peut-être des choses qu'on ne retrouve pas parce qu'aujourd'hui, on estime que c'est peut-être pas utile de les saisir, c'est ça ? Par exemple, ça pourrait être... Bon, en pratique, on a plutôt l'inverse, des choses qui, à l'époque, n'étaient pas considérées comme importantes. Mais on retrouve quand même déjà des éléments d'une finesse assez incroyable. On a une certaine exhaustivité. Bon, en fonction des feuilles, il faudrait aller justement dans une analyse plus précise. Mais on a les moulins à vent, les moulins à eau. On a quand même des choses d'une précision assez incroyable. Mais on se rend compte que quand on essaye de justement se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on va saisir une route, par exemple, comment est-ce qu'on la décrit, on tombe sur des choses assez amusantes. C'est que, effectivement, par exemple, les routes qui sont dessinées, qui sont coloriées en rouge dans la version de Marie-Antoinette de Cassini, dans la feuille de Paris ou dans la feuille de Bordeaux, n'ont rien à voir. Parce qu'il y a des spécificités locales, que les feuilles de Bordeaux ont été payées pas par le roi, mais par d'autres gens. Et donc, en fait, on s'est retrouvé à dire, on ne peut pas appeler ça. La légende de Cassini nous dit qu'en rouge, ça devrait être les routes empierrées. Mais ce n'est pas des routes empierrées. partout. Donc c'est pas des routes empirées partout. Donc du coup, on revient avec ça, remet complètement en question la façon dont on fait de l'information géographique. Donc on en est revenu à dire, bon bah ok, on va déjà dire, c'est rouge dans la carte, on va appeler ça des routes rouges. Quand on raconte ça aux gens qui font les spécifications à l'hygiène, ça les fout en l'air. Non, mais c'est pas possible. Mais en fait, si. En tout cas, et donc on se pose la question a posteriori, justement, de savoir lesquelles étaient empirées ou non. Et donc c'est là où ça remet en question, justement, les méthodologies qu'on a l'habitude de faire. D'accord. On va essayer de saisir la source. Qu'est-ce que nous dit la source? Et ensuite, a posteriori, essayer d'étudier, d'analyser et d'aller plus finement dans le contenu réel. Alors là, vous avez soulevé différents points, Julien Perret. Notamment, vous dites quand le roi ne paye plus. Il faut préciser qu'effectivement, Cassini se trouve abandonné par le roi en 1756 et qu'il va constituer donc une société de la carte de France avec 50 membres. Et donc, c'est ce qui fait qu'on va retrouver des différences, peut-être selon les commanditaires ou ceux qui payent, des différences dans ces cartes. Marie-Christine Vouloir ou Claude Motte, les points forts, les points faibles alors de cette carte, parce qu'on commence à le sentir un petit peu. Marie-Christine Vouloir. Les points faibles, le réseau routier qui est vraiment essentiel. Ce réseau routier est loin d'être parfait. Oui, le secondaire est absent, hein, c'est ce que vous avez relevé. Il y a beaucoup de bourgs, de villages qui n'ont pas d'accès routier. Alors, Cassini s'en est un peu défendu en disant que lui, ce qui l'importait, c'était la permanence des objets représentés sur la carte. Et que les routes qui sont non pavées, justement, il suffit d'un mauvais hiver pour que la route change de tracé ou même disparaisse. Il faut dire qu'il n'y a pas eu de légende à proprement parler de la carte de Cassini. La légende que l'on voit, c'est une légende qui est postérieure. Les légendes, je devrais dire, parce qu'il y a eu plusieurs types de légendes qui ont été faites. La seule, toujours en parlant des routes, la seule information qui est trouvée, c'est sur la feuille de Paris, où effectivement, là, il y a en légende, en bas de la feuille, donc ce qu'on ne peut pas voir sur la carte parce que c'est dans la marge, il y a la représentation de la route pavée. C'est une gravure sur cuivre. Hein. Mais il ne faut pas oublier de parler des graveurs qui ont joué un rôle aussi important que les ingénieurs. Donc ces graveurs sont de deux types, ceux qui sont en charge de la topographie et ceux qui sont en charge de la toponymie, des noms. Et c'est un véritable art. Et si je peux me permettre, je vais donner une citation justement à ce propos de Cassini, parce que, et puis après je vais vous expliquer une petite description, parce que c'est vraiment un élément crucial. Cassini dit « On distinguera toujours les cartes gravées par les sieurs Brunet et Aldring et écrites de la main du sieur Bourgoin. Les trois seuls graveurs qui aient excellé dans ce genre sans pouvoir être imités par le grand nombre de ceux que nous avons employés. » Et ça, pourquoi j'insiste sur cette citation, c'est pour vous dire que la qualité de la gravure n'est pas la même partout. Les routes ne sont pas représentées toujours de la même façon, de même qu'un clocher sur la feuille de Strasbourg ne sera pas à l'identique d'un clocher breton. Bien sûr. Et alors, concernant les recensements, là aussi, peut-être que les méthodes ont évolué. Je vous propose un petit clin d'œil, allez, de plonger à nouveau dans les archives sonores de l'INA. Un reportage diffusé dans le journal d'interactualité de 12h30 du 7 mars 1962. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, je suis votre agent censeur. Voici ma carte, je suppose que vous êtes au courant. Je viens vous voir pour le recensement de la population de 1962. Le recensement de 1962. Ah, vous pouvez lire. Bon. Alors, n'ayez pas peur, je ne vais pas tout vous demander aujourd'hui. J'ai l'intention de vous laisser quelques papiers. Et je viendrai les reprendre d'ici quelques jours. Oui, évidemment, c'est un petit peu ennuyeux. Il y en a quand même plusieurs. Il y en a un blanc, il y en a un vert, il y en a un bleu. Mais vous verrez, c'est très simple. Je crois que tous les cas ont été prévus et il suffit d'avoir la patience de le lire. La patience de le lire, moi, j'ai pas que ça à faire. Et alors, vous allez me laisser ça quelques jours? Oui. Alors, si vous voulez, si ça ne vous ennuie pas, je vais vous marquer sur la feuille de logement une date au crayon et je reviendrai vous les prendre à cette date. Bon, mais j'espère que ce sera prêt. Mais ça fait quand même beaucoup de choses à remplir. Ça a l'air comme ça, mais enfin, vous verrez, il y a beaucoup de cases qui ne seront pas remplies. Et vous distribuez ça à tout le monde? Oui, enfin, pour les personnes qui veulent bien me répondre et m'ouvrir. Ah, parce qu'on peut ne pas répondre? Ah, c'est obligatoire. Ah bon. Ces personnes-là, je serai obligée de les voir, de revenir les voir ou de leur envoyer une lettre. Bon. D'envoyer la mairie. Écoutez, laissez-moi tout ça, je vais y réfléchir. Oui. Hein? Enfin, j'espère que vous les remplirez et que je... Oui. Il n'y aura pas trop de lacunes. Et à quoi ça sert tout ça, finalement? France Culture, la marche des sciences. Aurélie Luneau. Alors, à quoi ça sert tout ça, hein, ces recensements? En tout cas, à l'époque de Cassini, la carte allait justement servir aussi, plus tard, on imagine, à recenser et ce maillage administratif, à pouvoir mieux repérer, en tout cas, l'évolution des noms des communes aussi, l'évolution des territoires. Alors, ce projet que vous menez ensemble, Julien Perret, Marie-Christine Vouloir, Claude Motte, il a été initié en 2004, c'est ça? 2005, hein, ça commence à faire une petite dizaine d'années. Non, il n'a pas été initié. Oui. Disons qu'une première phase, au contraire, a été achevée en 2005. C'est l'ouverture du site cassini.ehss.fr. Oui. Ça, c'est la première version du site. Et je signale pour la petite histoire que notre site EHESS a été ouvert quelques mois avant le géoportail de l'IGN. Vous êtes l'un en face de l'autre, hein, donc réglez vos comptes. Et c'était une première, parce qu'en fait, c'était la première fois que l'on présentait, associé en superposition et en transparence, une image raster, l'image scannée de Cassini, et le fond communal, la BD Carteau, IGN. Et je précise pour les auditeurs que le lien vers le site de l'EHESS sera sur le site de la Marche des Sciences, sera peut-être même plus simple pour eux, en tout cas. Claude Motte. Alors, évidemment, pourquoi je me suis intéressée, enfin, pourquoi nous sommes intéressés au sein du laboratoire à cette carte de Cassini, qui bien sûr était déjà connue par les historiens et par les cartographes. Dans l'histoire de la cartographie, la carte de Cassini tient une grande place. C'est parce que dans notre laboratoire, un des objets de notre travail est l'analyse ou l'observation de l'évolution du peuplement en France. Et dans la notion de peuplement, il y a deux dimensions. Il y a une dimension quantitative, combien d'habitants, et une dimension spatiale, d'où relation à la carte, où comment se répartit cette population sur un territoire. Et l'évolution introduit la dimension chronologique. Donc là, vous avez les trois éléments d'une base de données que l'on dit spatio-temporelle. J'étais à l'époque, dans les années 95, responsable d'une collection publiée et éditée par le CNRS qui s'appelle Paroisse des communes de France. Un volume par département, une fiche par commune. Nous partions des communes d'aujourd'hui et nous remontions jusqu'au XVIIIe siècle à travers les archives du XIXe et du XVIIIe siècle en étudiant l'évolution du nom de la commune et l'évolution de son territoire et ce qu'elle était au XVIIIe siècle. Et puis, au XVIIIe siècle, nous rencontrions des chiffres de population sous des toponymes que nous n'arrivions pas à rattacher au territoire d'une commune d'aujourd'hui. Parce que lorsque l'on veut étudier un peuplement, une population, il faut quand même que l'on définisse de quoi on parle. Mais oui, donc, mais il y a eu cette évolution des noms des communes. L'évolution des noms des communes, et Dieu sait si l'homonymie en France... C'est un piège. Et mais deuxièmement aussi, pour faire une étude de densité, il faut que la population soit recensée dans le même territoire. Et autant au 19e, à partir du recensement de 1806, l'évolution de ces aspects-là de la commune est aisée parce que les sources sont bien précises. Dès qu'on remonte dans le courant du 18e, là, ça devient beaucoup plus l'inconnu. Et moi, j'avais l'habitude, lorsque je trouvais un nom au 18e siècle, d'aller faire référence... sur la carte, je le cherchais à quatre pattes avec ma loupe sur la carte de Cassini où était situé ce hameau. Et je me reportais à la carte IGN au 50 000e et je l'identifiais. Et pourquoi ça a été possible aussi? Parce que il y a une forte permanence des lieux de peuplement en France. Même si la population a beaucoup diminué dans un certain nombre de lieux, le lieu existe toujours. Et donc, je rêvais à l'époque de pouvoir superposer cette couche des contours communaux. Et puis, bon, l'évolution des systèmes d'information géographique a fait qu'il a été possible de projeter des fonds de cartes à des échelles différentes, à des projections différentes. Mais n'oublions pas qu'à l'époque où on a commencé à travailler avec Christine, la projection Cassini n'existait pas. Elle n'avait pas été encore étudiée et mise au point. Et en fait, c'est un peu grâce à nous que cette projection Cassini a vraiment été étudiée. Et qu'il y a eu du coup cette collaboration tissée entre l'École des hautes études en sciences sociales et l'IGN avec un travail pluridisciplinaire. Voilà. Maintenant, depuis combien? 5-6 ans à peu près, hein, Julien Perret? Oui, ça s'est accéléré. Ça s'est accéléré. On va continuer à en parler dans un instant. Après ce choix musical qui appartient à Julien Perret, vous avez choisi, vous vous souvenez? Maps and Atlases. Et c'est The Charm. I don't think there is a sound that I hate more than the sound of your voice. When you say that you don't love me anymore. And I don't think there is a sound that I hate more than the sound of your voice. When you say that you don't love me anymore. But I saw you fall in love with no hands up. And I saw you fall in love with no hands up. And after all, you felt so small in his arms. You felt c'était Maps and Atlases de The Charm, le choix musical aujourd'hui de Julien Perret. C'est la suite de La Marche des Sciences sur France Culture, une plongée au vrai sens du terme dans l'aventure des cartes de Cassini, dans ce qui fait aujourd'hui leur actualité pour le plus grand intérêt, non seulement des historiens, des archivistes, des généalogistes, mais aussi de tout citoyen qui souhaite disposer d'informations sur l'évolution de sa commune, de son lieu de vie depuis le XVIIIe siècle. Et pour aborder ce pan de l'histoire des sciences, dans cette première partie d'émission, nous sommes en compagnie de Claude Motte, ingénieur de recherche au CNRS, Centre de recherche historique de l'EHESS, au laboratoire de démographie historique. Marie-Christine Vouloir, également ingénieure de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales. Julien Perret, chargé de recherche au ministère de l'écologie, au laboratoire COGIT de l'IGN. Et donc, nous parlons bien sûr aussi de ce site www.ehess.fr/Cassini pour ceux qui voudraient s'y rendre tout de suite. Alors, donc ce site, je disais, intéresse tout le monde. Finalement, qui peut s'en emparer et qu'est-ce que l'on y trouve? Donc on a déjà avec vous, Claude Motte, senti le côté gigantesque, en tout cas, de toutes ces communes référencées. Alors, sur le nom des communes, par exemple. Par exemple, allons-y. Il existe aujourd'hui une commune qui s'appelle Frôlois. Elle est dans le département de Meurthe-et-Moselle. À la fin du 18e, moi je trouve à Craignes. Frôlois, est-ce une nouvelle commune? Est-ce une commune qui a changé de nom? Là, Cassini me renseigne. Parce que j'ai une commune sur Cassini qui s'appelle Guise-sur-Moselle, troisième toponyme. Alors là, un peu perdu. Mais en dessous de Guise-sur-Moselle, j'ai Moulin d'Acraigne. C'est la même. Par exemple, Allouin-Montigny, dans l'Oise, sur Cassini, il est porté Allouin ou Maignelet. Donc au XVIIIe siècle, je peux avoir les deux toponymes. Aujourd'hui, je n'ai plus qu'à Allouin. À la fin du XVIIIe, j'avais Maignelet. Heureusement que Cassini me dit Allouin ou Maignelet. Bon, ça c'est les deux exemples. Il y en a plein d'autres. Marie-Christine Vouloir, où vous en êtes aujourd'hui et l'une et l'autre, et avec tous ceux qui travaillent autour de vous, mais je ne pense pas que vous soyez très nombreux. C'est-à-dire, il faut prendre la mesure aussi de ce travail mené par juste quelques personnes. Est-ce que véritablement tout est référencé ou vous êtes encore en train de travailler sur toutes ces communes de France? C'est-à-dire que plus on travaille sur les communes et sur le fonds Cassini, plus on découvre des sujets de recherche. Donc maintenant, Claude et moi, on continue à assister les jeunes, la jeune génération. Et on s'est lancé, parce que nous ne l'avons pas dit, mais en fait, je ne sais pas s'il faut le dire d'ailleurs, mais nous ne sommes ni cartographes, ni géomaticiennes, ni informaticiennes. Et oui, vous venez des sciences sociales, et c'est voilà. Ce qui a fait aussi que vous ayez eu ressenti aussi ce besoin, cet intérêt pour cette carte, parce que vous l'avez senti sur ce terrain-là, social d'abord. Et donc, lorsqu'on s'est lancé dans ce travail, c'était vraiment un défi, je dirais. Et nous sommes plus d'une fois arrachés les cheveux en disant nous n'y arriverons pas. Bon, heureusement, nous y sommes arrivés. Et maintenant, cette nouvelle phase de la recherche, donc, dont Julien est plus à même que moi de parler, mais nous nous sommes lancés dans ce qu'on appelle la vectorisation, puisque la carte Cassini, c'est une photo. Et avec une photo, on peut pas faire grand chose, si ce n'est la regarder, dire elle est jolie, il y a un beau clocher, la représentation des salines est absolument magnifique, etc. Mais si on veut réellement exploiter ce fonds Cassini, il faut le vectoriser. Et là, je pense qu'il vaut mieux que je passe la parole à Julien qui Perret. Va en parler beaucoup plus savamment qu'on. Donc allez-y, par rapport à ce site, hein, comme je dis, je le redis, accessible à tous, donc allez-y, allez voir votre commune, votre région, n'hésitez pas. Le site cassini.vhss.fr là permet de finalement visualiser les données de recensement. Du coup, on a ouvert un deuxième site qui permet là de justement de visualiser les données proprement de Cassini, c'est-à-dire vraiment les routes, donc cette espèce de snapshot là, cette espèce de cliché que représente Cassini, donc de saisir les routes, les villes, les toponymes qui sont présents dans Cassini. Donc c'est un gros travail de spécification, de saisie collaborative. Et donc là, l'idée c'est vraiment d'avoir un endroit où on peut aller récupérer ces données, rendre ces données accessibles au plus grand nombre. Donc, tout le monde peut aller télécharger. Donc, le site, c'est geohistoricaldata.org. On mettra le lien sur Internet. Exact. Où on peut aller télécharger toutes les routes, les cours d'eau qui ont été saisis dans Cassini. Et puis, éventuellement, aller participer et saisir ce qui manque. Parce qu'il manque pas mal de choses encore. Donc, après, nous, la logique veut qu'on commence à faire ce travail-là. Donc, pour l'instant, principalement entre chercheurs. Hein. On a commencé déjà à impliquer d'autres gens un petit peu autour. Et puis à terme, nous, on aimerait bien vraiment aller plus loin dans cette logique-là, d'ouvrir ça vraiment au grand public pour que le grand public puisse aider à la saisie, mais aussi à la validation, parce que ces données-là, bon, on n'a jamais. Si on reste au premier jet de ce qu'une personne a fait, on ne va pas très loin. Donc, ce travail-là, il est participatif. Tout le monde peut venir et contribuer ou donner des informations. C'est le but, hein. C'est le but, ouais. Donc pour l'instant, on a surtout des questions techniques qui font qu'il y a un petit coup d'entrée. Pour l'utilisation des outils, donc ça reste des outils libres, etc. Mais c'est juste que c'est pas forcément trivial à utiliser. Ouais. Donc là, on est en train de travailler justement sur la démocratisation finalement de ces outils de saisie collaborative. Et par contre, on a fait un premier travail donc avec un de nos collègues, donc Maurizio Giraldo Arteaga de la New York Public Library, donc, ouais. qui était venu nous aider à faire un premier prototype qu'on appelle l'arpenteur topographe. Ouais. Là, pour faire vraiment de la validation, de la correction et de l'enrichissement des données. Mais là, vraiment sur téléphone portable, avec des applis vraiment très simples. On a plusieurs angles d'attaque, si vous voulez, sur essayer de rendre ça le plus simple possible à faire, pour que ce soit le plus simple possible de contribuer. Et oui, parce que concrètement, Claude Motte, parfois, si vous avez du mal à retrouver une commune et vous n'y arrivez pas, mais peut-être qu'il y a aussi des historiens, des géographes, des personnes qui ont travaillé dans des fonds d'archives, parce que vous ne pouvez pas non plus plonger à bras-le-corps dans tous les fonds, c'est hors de toute constitution humaine, si je veux dire. Ouais. Donc dans ce cas-là, est-ce qu'à ce jour, d'ailleurs, des contributeurs ont pu déjà vous éclairer sur certains points ? Non, c'est trop tôt. Non, bah par contre, il faut dire que nous avons une correspondance assez intense avec des locaux qui nous écrivent en disant « mais je ne comprends pas, vous avez dans tel recensement, vous mettez tel chiffre de population, ou vous appelez ce hameau de tel nom, moi je ne suis pas d'accord avec vous ». Et donc il y a une discussion qui s'instaure comme ça. Claude va plonger dans le bulletin des lois, dans je ne sais quoi, pour pouvoir étayer le pourquoi. Alors, quelquefois, il y a des erreurs qui viennent de nous. Hein. Donc, toute critique est évidemment la bienvenue. Sur le site Cassini, nous avons un certain nombre de... je crois que nous avons combien ? 1500 connexions ? On a plus de 1000 connexions jour sur le site Cassini. Pour un site qui n'est pas spécialement... festif, disons. C'est quand même très sérieux. Mais bien sûr. Alors, il y a un autre point qu'on peut aborder avant la fin de cette première partie de l'émission. C'est le fait que ce travail que vous avez mené est aussi un outil qui peut servir aux politiques pour faire des choix pour l'aménagement durable du territoire. Je propose de plonger dans la troisième archive que l'on vous fait entendre aujourd'hui. Donc, trouvée par Anaï Morales, archive des fonds de l'INA, France Inter, actualité du 3 avril 1964 avec une interview d'Antoine Pinet, ancien ministre, alors maire de Saint-Chamond, président du Conseil général de la Loire, et il s'exprime sur la fusion de communes du département de la Loire. sur l'initiative des municipalités des communes de Dizieux, de Saint-Julien-en-Jarret et de Saint-Martin, la fusion de ces communes avec Saint-Chamond a été décidée. Les communes avaient une inégalité de territoire et de population extrêmement importante, puisque Saint-Chamond n'avait que 142 hectares et en chiffreront 18 000 habitants. Dizieux, 1651 hectares, plus de 10 000 habitants. Saint-Martin-en-Coyeux, 1350 hectares et 4050 habitants. Et Saint-Julien-en-Jarret, 2335 hectares et 5400 habitants environ. De sorte que l'ensemble des territoires de ces quatre communes représentera désormais 5478 hectares et une population de 37 000 habitants en chiffres ronds. Claude Motte, une réaction peut-être. Je disais donc, ça devient aussi un outil, cette carte de Cassini, pour les politiques, pour les responsables de territoire concrètement. Pour les politiques, je pourrais donner un exemple. L'année dernière, lorsque le ministère de l'Intérieur a opéré une redistribution des cantons, le ministère s'est adressé à notre laboratoire pour avoir nos informations sur l'évolution des cantons. Parce que dans la base de données, il y a l'évolution des territoires communaux. Mais forcément, nécessairement, il y a l'évolution des territoires des ressorts supérieurs, c'est-à-dire des cantons, des arrondissements et des départements. Donc le ministère de l'Intérieur a demandé à avoir connaissance de l'évolution des cantons sur deux siècles. Je pourrais donner rapidement, si vous le permettez, deux autres exemples de l'utilité de cette base de données. Par exemple, savez-vous ce qu'est le droit fondé en titre ? Non. Alors, le droit fondé en titre, c'est un terme juridique, c'est-à-dire que lorsque vous voulez argumenter ou prouver un état de fait et que vous n'avez pas de document papier, la carte est l'argument. Et lorsque, par exemple, vous voulez réactiver ou implanter sur un territoire une turbine hydroélectrique, vous avez toute une procédure de demande à faire auprès des ministères de ceci, de cela et d'autres choses, qui vous demandera, in fine, de prouver l'antériorité avant 1789 de l'existence sur ce terrain d'un moulin. Parce que le droit de l'eau est un des premiers domaines qui a à avoir été connu une législation de la part de la royauté. Et c'est le seul privilège qui n'a pas été aboli dans la nuit du 4 août. Abolition des privilèges, exact. La privilège de l'eau. Voilà. Donc, Et d'autres exemples, j'imagine, qui montrent l'actualité oui. Ô combien chaude de cette carte Cassini, du travail que vous avez mené. Et je précise d'ailleurs que c'est aussi un outil qui peut servir dans le cadre de la politique de prévention des risques en zone humide. Hein, la localisation des zones humides et des anciens tracés du lit des rivières préfigure, c'est ce que vous expliquez aussi, les emprises des inondations côtières ou fluviales connues ces dernières années. Et c'est vrai que ça touche en fait tous les citoyens. Merci à tous les trois de nous avoir entraînés dans ce bel exemple d'exploitation des cartes anciennes et de l'utilité d'un travail de recherche pluridisciplinaire. Merci Claude Motte, Marie-Christine Vouloir et Julien Perret. Et donc, on rappelle peut-être le site pour les auditeurs. cassini.ehess.fr. Voilà, retrouvez aussi sur notre site de l'émission. Et geohistoricaldata.org. Superbe, on trouvera ça sur notre site bien sûr. Et alors, Alan Turing, c'est un nom qui vous dit quelque chose peut-être ? Oui. Hein ? Alors vous restez avec nous parce que ça va être justement l'histoire d'Alan Turing. France Culture, la marche des sciences. Aurélie Luneau. Seconde partie de la marche des sciences, actualité des sciences et de leur histoire, avec aujourd'hui un personnage de génie, mathématicien, fameux, brillant, mais aussi tourmenté, cryptologue, et qui a été d'ailleurs le héros de livres, de biographies, de documentaires, de films aussi, comme par exemple celui de Morton Tilden, Imitation Game. Que faisiez-vous pendant la guerre ? Vous êtes bien attentif ? Si vous dites un mot de ce que je vais vous révéler, vous serez exécuté. C'est magnifique. C'est le système de cryptage le plus génial de l'histoire. Les Allemands l'utilisent pour toutes leurs communications stratégiques. Tout le monde pense qu'Enigma est indéchiffrable. Laissez-moi essayer, comme ça nous en serons sûrs. Messieurs, je vous présente Alan Turing. Nous allons devoir travailler ensemble. J'ai peur que ces hommes ne fassent que me ralentir. Vous deviez être populaire à l'école. On manque d'effectifs. Eh bien, nous allons recruter du monde. Vous disposez de 6 minutes pour résoudre le problème. C'est possible au moins ? Non. Moi, il m'en faut 8. 5 minutes et 34 secondes. Vous avez dit moins de 6. Je suis en train de concevoir une machine qui nous permettra de déchiffrer tous les messages codés, tous les jours, en un instant. Pour pouvoir jouer le rôle du petit génie prétentieux, il faudrait déjà être un génie. Avez-vous déchiffré le moindre message allemand ? Vous ne pourrez jamais comprendre l'importance de ce que je suis en train de créer là ! Notre patience a atteint ses limites. Non ! Alan, tu n'as pas à affronter ça tout seul. Et si je ne l'aimais pas de cette façon ? Vous ne pouvez le dire à personne, c'est illégal. Vous pourriez nous aider, mais vous ne le faites pas. Je ne suis qu'un mathématicien. Parfois, ce sont les personnes que l'on imagine capables de rien qui font les choses que personne n'aurait imaginées. C'est la bande-annonce du film Imitation Game de Morten Tildum. Et aujourd'hui, après ce film, c'est d'une bande dessinée justement que l'on vient vous parler. C'est l'actualité du jour, une bande dessinée parue aux éditions Des Arènes intitulée Le cas Alan Turing. Bonjour Arnaud Delalande. Bonjour. Vous nous offrez cette belle BD, en duo d'ailleurs avec Éric Liberge, hein, il faut le citer, oui, avec absolument. Des dessins magnifiques. Et vous êtes écrivain, scénariste, et c'est vrai que la première question qu'on a envie de vous poser, c'est par rapport à cette bande dessinée très humanisée, hein, vous explorer le Turing de l'intérieur. Alors, le début de cette aventure remonte à quand ? C'était quoi ? Qu'est-ce qui a déclenché cette envie ? C'était il y a 2 ans avec Laurent Muller qui donc a pris la tête du département BD des Arènes. Il s'agissait de lancer une nouvelle collection et le personnage s'est imposé. On a commencé par travailler sur les quelques biographies existantes sans savoir d'ailleurs que le film allait sortir. Et on a été évidemment saisis par cette matière extraordinaire parce qu'il y a tous les ingrédients d'une histoire fantastique là-dedans. Rappelons, résumons quand même un peu ce personnage hors du commun. Voilà, alors Alan Turing n'a pas 30 quand il est recruté en 1938-39 par les services secrets britanniques, la Government Code and Cipher School, qui est donc le chiffre anglais, les services secrets. Et le but des services secrets anglais, c'est de réunir à Bletchley Park, au nord de Londres, une espèce de commando invraisemblable composé des meilleurs mathématiciens du temps, logiciens, cruciverbistes, cryptanalystes. L'enjeu, c'est de combattre la machine Enigma, qui est la machine qui permet au Führer de transmettre ses instructions à ses troupes. Et donc l'enjeu est absolument colossal, évidemment, névralgique. On dit d'ailleurs qu'Alan, en réussissant à casser les codes, aura écourté la guerre de 2 ans. Simplement, et encore, drame, il a mis du temps quand même, hein, bien sûr, parce que ça nécessitait aussi de construire du côté allié une machine, de parvenir à décoder. Ça sous-entendait énormément d'argent. Et dans cette période de guerre, c'est vrai que les mois passent et à un moment, il y a du doute aussi. C'est un thriller en permanence, parce qu'effectivement, encore une fois, l'enjeu est colossal. Pendant ce temps-là, des milliers, des dizaines de milliers de marins, particulièrement l'Enigma navale et la cible des recherches de codes et de cryptanalyse, donc des dizaines de milliers de marins qui meurent, des centaines aussi, de milliers de marchandises. Bientôt, l'Angleterre est toute seule. Hein, tout ça se passe à Londres. C'est la bataille d'Angleterre et elle se retrouve, en attendant l'intervention des États-Unis, se retrouve quasiment seule face à Hitler. Donc, il pèse sur les épaules de ce pauvre Alan quand même le sort du monde, on peut dire, à un moment donné. Et il porte en outre un autre drame, c'est qu'il est homosexuel dans une Angleterre puritaine et ça va lui coûter très cher parce que non seulement son activité est secrète, il ne pourra pas la révéler, y compris à l'issue de la guerre et y compris après avoir réussi à battre Enigma, mais en outre, il sera condamné et soumis à un traitement de castration chimique et donc voué au secret jusqu'à la fin. Il se suicidera au début des années 50 en croquant dans une pomme empoisonnée. Voilà. Oui, ça c'est effectivement résumé à grands traits, en tout cas la vie incroyable de ce héros que l'on vous propose de découvrir dans la bande dessinée justement. Et il faut rappeler aussi que cet homme, Arnaud Delalande, est à l'origine de la formulation des concepts d'algorithme et de calculabilité, que c'est un jeune homme qui aussi a, et on le sent dans votre livre, mais c'est vrai que vous avez fait le choix de plutôt camper la Seconde Guerre mondiale pour nous permettre de nous révéler ce génie, ce savant des maths, mais son enfance aussi explique beaucoup de choses quand même. Hein. Il est né en 1912 et à l'âge d'un an, ses parents, son père était administrateur civil aux Indes, et donc il n'a pas été élevé par ses parents, et c'est durant cette enfance difficile que d'ailleurs il deviendra bègue. C'est ça. Et introverti. Oui, c'est un personnage à mille facettes qui sont toutes passionnantes. Il est bègue, homosexuel, marathonien de haut niveau, c'est un génie des mathématiques, ça fait beaucoup. Mmh. Voilà. Et donc c'est un personnage fascinant, mais si vous voulez le point de vue, puisqu'il s'agissait de poser un point de vue, il y avait des biographies, il y a eu un certain nombre de choses autour d'Alan Turing, donc on s'est posé la question du traitement. Et en fait, ce qui nous a intéressé dans ce sujet, c'est que c'est comme ça qu'on l'a traité avec Eric Liberge, le dessinateur, c'était de rentrer à l'intérieur d'Alan Turing, ce qui était peut-être un peu ambitieux, mais en tout cas, d'avoir ce point de vue qui est un point de vue introspectif, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une biographie, on va dire, académique et chronologique, on s'autorise beaucoup d'allers-retours dans le temps, beaucoup de flashbacks, beaucoup de réflexions intérieures, on essaie de suivre son cheminement intérieur. Parce qu'en fait, ce qui nous a plu et qui est l'idée phare de cette bande dessinée, c'est de dire, bien sûr, il essaie de craquer le code d'Enigma, mais il essaie de craquer son propre code, c'est-à-dire qu'il est à la recherche, dans cette espèce de poésie, de vertige des mathématiques, de cette formule qui lui permettrait de s'expliquer lui-même, d'expliquer ses tourments, d'expliquer son rapport au monde. Et donc, c'est une quête qui est à la fois profondément mathématique, puisque c'est la science qui le tire en avant, et en même temps, c'est une quête presque philosophique, ou en tout cas une quête intérieure, qui fait de cette odyssée une odyssée assez emblématique du point de vue humain, et c'est ça qui nous a fascinés, et c'est de là que vient l'empathie qu'on peut éprouver pour ce personnage. Et oui, et au-delà de l'empathie, il y a aussi toute cette question de, c'est quand même ce génie qui, le premier, a imaginé une machine avec une intelligence artificielle, oui. Donc c'est le précurseur de l'informatique, et vous nous le rendez comme quelqu'un qui interroge aussi son propre cerveau. C'est pas innocent, il va s'intéresser à la morphogénèse, oui. Parce que dans son propre corps, avec son homosexualité, il est pétri de questions, et certainement que tous ces domaines dont il s'empare, pour vous, c'est vraiment dans cette introspection que l'on trouve les clés que lui n'a pas trouvées. Oui, alors c'était l'enjeu de la bande dessinée et de sa représentation visuelle, parce qu'on a beaucoup de dégagements oniriques aussi, de représentations comme ça, c'est-à-dire d'associer la poésie du chiffre au vertige de la nature et d'essayer de traquer dans cette... On peut voir la nature comme un océan de chiffres, et c'est ça qui les fascine. Donc effectivement, il est porté à essayer de décoder ce grand message secret qui est caché, qui est celui du monde. C'est ça qui est fascinant. Et vous l'avez dit tout à fait justement, c'est que n'oublions pas qu'il est le père en quelque sorte de l'ordinateur, et c'est extraordinaire aujourd'hui, en 2015, bientôt 2016, de redécouvrir ce personnage, parce que du fait de son destin, sa mémoire a été très longtemps classée secret défense, on va dire, et que la reine ne lui a rendu hommage finalement que très tardivement, c'est-à-dire en 2013. 24 décembre 2013. En 2013, on a redécouvert gracie, ce personnage. Finalement, parce qu'il avait été condamné pour son homosexualité en 1952. C'est ça, et ça lui a valu ce traitement de castration chimique et ce suicide, donc elle le gracie, on réhabilite sa mémoire, c'est quand même la moindre des choses. Effectivement, et 2013, c'est tardif. 2013, c'est très tardif pour un héros national. Donc ce drame est un drame, c'est de la tragédie grecque, c'est-à-dire qu'il a porté, encore une fois, le destin du monde sur ses épaules, dans un océan mathématique auquel personne ne comprenait rien. Bon, il arrive à craquer le code d'Enigma, mais après il doit se taire, et on le force à se taire, parce qu'il est encore un enjeu après la guerre, puisque ensuite c'est la guerre froide. Et donc il ne s'agit pas qu'un asset, comme on dirait chez les anglo-saxons, un atout de cette ampleur tombe aux mains des bolcheviks, par exemple. Oui, mais parce que le problème, c'est que dans cette Angleterre et dans ce moment de guerre froide, c'est qu'on a déjà arrêté des scientifiques qui avaient travaillé pour l'Union soviétique, en tout cas, c'est ce qui ressort de l'histoire de l'époque. Non, mais là, et puis là, le problème géopolitique n'est plus le lié à l'homosexualité, c'est simplement le fait que ces connaissances peuvent être mises à profit pour craquer toutes sortes de codes, et donc il aurait pu être récupéré par une puissance ennemie. Donc on continue de le filer, on continue de le traquer jusqu'à son suicide, en quelque sorte, et son dossier reste encore une fois top secret, jusque sa réouverture. Là, tout le monde se précipite et se dit, mais finalement, cet Alan Turing est le père de l'ordinateur et de l'intelligence artificielle. Avec toute la portée symbolique de cette pomme, par exemple, qui est celle de Blanche-Neige, c'est pas qu'une blague, c'est-à-dire qu'il a adoré le film Blanche-Neige quand il l'a vu, qui était le premier dessin animé en couleur, ça l'a profondément marqué. Il se suicide en croquant dans une pomme empoisonnée, et n'oublions pas que la pomme croquée est aussi le logo d'une certaine entreprise que nous ne citerons pas. Donc il y a une espèce de continuum là aussi qui est absolument fascinant, et qui n'est pas dénué de la fois de drame, évidemment, de poésie, donc ces dimensions qu'on a essayé de traiter. Alors vous dites, Arnaud Delalande, il s'est suicidé, et là, les biographes ne sont pas complètement d'accord, il y a ceux qui croient au suicide et ceux qui pensent que c'est ou un accident ou toute autre chose. Donc il y a effectivement une thèse que j'ai vue courir disant que qui tient plus du roman à mon avis, mais peut-être qu'il ne se serait pas suicidé tout à fait, etc. Mais enfin, avec ce genre de personnage, on a très souvent aussi ce genre de toute façon à un moment donné de questionnement, parce qu'en effet il y avait véritablement des enjeux d'importance importance derrière, même si la guerre était terminée. Bon, je pense, moi, vraisemblablement, je pense qu'il s'est suicidé dans les conditions qu'on a décrites, mais enfin, voilà, chacun est libre de son jugement ensuite. Merci, Arnaud Delalande. Je renvoie nos auditeurs sur votre très belle bande dessinée commise avec Éric Liberge, le cas Alan Turing. Et je citerai juste ces phrases qui vous appartiennent. C'est le dialogue que vous nous proposez avec Alan Turing. Et Alan Turing qui dit « L'énigma, c'est moi. Le seul code que je n'aurais jamais réussi à briser, c'est le mien. Est-ce cela que j'ai traqué ma vie durant, ma propre énigme ?» Merci. Le cas Alan Turing aux éditions Les Arènes. Et bien sûr, toutes les informations, vous les trouverez, les liens sur le site internet de l'émission franceculture.fr, rubrique La Marche des Sciences, puis Archives. Vous pouvez réécouter aussi l'émission pendant 1000 jours, la télécharger pendant un an et puis nous suivre sur Twitter. Fin de la Marche des Sciences, merci de votre écoute fidèle et bienvenue aux nouveaux auditeurs. Émission préparée par Catherine Donnet avec Anaïs Morales et Gwen Michel pour le choix des archives sonores de l'INA, à la documentation sonore de Radio France Sandrine England, Romain Couturier de la discothèque de Radio France. Merci aussi à Alexandra Malka, à la réalisation, à la technique, Ariane Herbé, Marie Jaworski. Et la semaine prochaine, thématique nucléaire commune à toutes les émissions Sciences de Culture Sciences. Et à l'occasion des 70 ans du CEA, nous vous emmènerons en balade au fort de Châtillon, situé à Fontenay-aux-Roses, sur les traces de la première pile nucléaire Zoé, la première pile nucléaire française, et à la recherche aussi des dernières découvertes en sciences du vivant au cœur de ce commissariat à l'énergie atomique. Demain, à 14h, vous retrouverez Michel Albergantier, Sciences Publiques. Et puis dans un instant, à 15h, Culture Musique de Mathieu Garrigou-Lagrange. Mais tout de suite, sous le vent des pages, les bonnes feuilles du jour.